Dame, curvela les marais de paz dans les flots de sens, les feux intérieurs embrassent, les feux intérieurs qui ont, les feux intérieurs que surtout sent. Les marais débordant dans les balançoires, il est nécessaire que la lune concilie son cours. Les vieux têtes de l'expression, les stern spear, épave les dames, l'intérêt la question. Cœur violent que voit les autres à point de cousiner. L'expression de la pureté qui ne contradit pas les desseins des femmes que les mêmes ne sont pas. Les cœurs violents débordant de passion, les cœurs violents que voit les autres à point de cousiner.